donner à se donner véritablement dans les mains de Dieu. Ah oui. De se donner véritablement. Elle donne de soi quelque chose de véritable. Elle se projette vraiment dans la vie. Ah oui. Il y a quelque chose qui vient de elle-même là. Gens de la radio. Est-ce que tu peux... Hein? Il avait disparu. Le miel? Ouais. Tu l'as fait réapparaître? Ouais, je sais pas. Ouais. Qu'est-ce que tu racontes là? Parce qu'il a vu que ça disparaissait, le miel, et il l'a fait réapparaître. Elle a fait apparaître le miel. Ouais, elle a fait de la magie pendant que tu parlais. Est-ce que tu pourrais peut-être nous, avec cet esprit lumineux... Parce que c'est l'esprit, il est fait pour illuminer notre âme. Hein. Mm. Parce que si... Ouais. Parce que si notre âme n'est pas animée de l'esprit, comment on fait? On peut rien faire si c'est pas animé de l'esprit, mais notre âme, faut qu'elle soit animée de l'esprit. Mm. Tu comprends? Ouais. Mais ça, j'aimerais bien pouvoir transmettre à la radio sur Pinot les gens qui nous écoutent. Comment toi tu fais pour pouvoir être tout le temps dans cette vitalité généreuse? Cette vitalité généreuse, c'est parce que la vitalité, elle est vitale que la personne, si elle cherche le Saint-Esprit, si elle en recherche, c'est en recherche du Saint-Esprit. Les Saint-Esprit, c'est ça? Le Saint-Esprit. Parce que tu sais qu'il y avait une vidéo à l'église à Pénerbe où le Clodomir et l'ouvrier Esduardo a versé l'huile dans les mains de Macedo. Hein. Ah oui. Il y avait deux petits pots d'huile, ils versaient l'huile. Pourquoi? Parce que c'était l'huile de l'Éternelle Alliance. Ah oui. L'Éternelle Alliance. Et l'Éternelle Alliance, elle est pour ceux qui sont prêts à se dépouiller de soi-même. Il dit, c'est pas pour moi, mais c'est pour Dieu, tout ce qu'on donne. Tout ce qu'on donne, ça vient pas de soi, mais ça vient de l'Éternel. On doit transmettre l'esprit de vie aux autres. Ah oui. Et ça, tu le fais par exemple à travers tes chansons. Oui, oui. Tu veux nous chanter quelque chose pour pouvoir nous... Oui, je chante quelque chose. Eterno è ma, Signore sta contigo, oh Signore mio amico, tua presenza, Signore sta contigo, oh Signore, è stato chiamato teu amor, oh Signore sta do teu altar, oh Senhor, do teu amor, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, neste altar, o meu Senhor, Senhor, o meu amor, o Senhor Jesus, e de você, o Senhor e você, deste de teu altar, o Senhor Jesus. Ele não sabe vir, o Senhor Jesus, nesta cruz, ele te canta ré, ele te canta ré, Senhor Jesus, de guerra em guerra, de pé em pé, de caminhando, é vitória. Vitória. Ouais, bon, on avait raison. C'est à Torres Vedras qui le font cette musique, mais j'aime beaucoup. C'est super que tu fais ça. C'est le pasteur du Deux Cœurs qui le fait souvent. C'est génial. Est-ce que Jean-François, tu voulais dire quelque chose pour la radio là? La radio. Ou tu voulais chanter, ou tu veux. C'est pas aujourd'hui, on se parle des données véritablement, d'être ouvert et de transmettre aux autres. Tu sais, c'était qui a été délivré? C'est une femme qui s'appelle Edwina Aide, mais elle a fait la chorale pour l'église du Brésil. Ah. Mais elle est la meilleure de tous, Edwina Aide. Ah oui. L'Edwina Aide était la meilleure. Église du Brésil. L'église du Temple de Salomon, Edwina Aide était une fille mais formidable comme tu ça. Tu connais pas, oui, tu connais Quentin? Edwina Aide. Temple de Salomon. Temple, il est où? Approche-toi un peu, Quentin, assieds-toi là, parce que comme ça, parce qu'on a qu'un micro ambiant ici. Edwina, elle a fait le CD, et au Portugal, t'as la Carla Alexandra. Elle est incontournable comme toi. Hein. Bah oui. Mais elle est délivrée, hein. Elle est vraiment dijvasi. Le Edwina et le Carla Alexandra, c'est incontournable. Hein. Et Quentin, tu connais alors, tu sais, c'est quoi? Je connais pas, j'ai pas toute sa culture sur le pan musical et religieux, mais je sais que le temple de Salomon, c'est un gros enjeu. Et quand je parlais d'humanité, les choses se transmettent de croyant à croyant, de non-croyant à non-croyant aussi. Et je sais que le temple de Salomon, en ce moment, pour avoir beaucoup de gens me parler de lui, est un temple au cœur de beaucoup de. moi je pourrais dire de beaucoup de... Beaucoup de gens cherchent à le protéger et beaucoup de gens cherchent à le détruire en ce moment. Ah oui. Pour des points religieux antagonistes en fait, qui ne vont pas ensemble. Mais normalement, c'est... Mais les personnes, il y en a des gens qui ne veulent pas se confier à Jésus. Mais il faut se confier à Jésus. Et en fait, il y a un courant messianique de juifs en fait, qui est totalement antagoniste et qui veut récupérer en fait, le pan chrétien. Le pan chrétien, oui. Le pan chrétien du temple de Salomon. Et pour avoir vu un croyant qui était... Parce que j'ai fait beaucoup de travail, donc j'étais amené à voir un chauffeur. Et ce chauffeur était musulman. Je ne sais pas si c'était son nom. Et il disait qu'en fait, il a appris tout ça sur le temple de Salomon. Il disait qu'il y avait ce courant messianique qui cherche justement à détruire le pan chrétien et à prendre le dessus sur, sur les autres religions. Voilà. Qui détruisait le pan chrétien et qui prenait le dessus sur la religion. La religion chrétienne. Les courants messianiques, ça vient du courant juif en fait, mais c'est assez rigoriste, enfin assez. C'est vraiment extrémiste. Alors que le temple de Salomon n'a pas été détruit par un pan religieux qui est antagoniste. Ouais. Beaucoup de gens parlent du temple de Salomon en ce moment, beaucoup d'humains. Bah, l'autre jour, religieux. Et plus en ce moment encore, pourquoi? Parce que je vais parler d'humanité. Et en ce moment, il y a beaucoup de courants religieux qui montent, parce qu'il y a le contexte qui est propice à ça, les guerres, le Covid, et des choses dans le monde qu'on ne voyait pas aussi. Et la personne, elle a besoin de se délivrer, hein. Voilà. Elle a besoin de voir la vision. Il y a hein. même des courants politiques de certains pays qui essayent de s'emparer de courants religieux, etc., pour justement protéger leur nation ou leur intérêt purement pécunier ou économique. C'est plus prégnant en ce moment qu'avant, je trouve. Ouais, mais un jour j'ai vu un documentaire sur les tombeaux de Salomon, qui est au sud de la Russie, je ne sais pas où. Et en fait, c'est vrai que Salomon, c'est quelqu'un qui vénérait par toutes les religions, presque, et aussi par la franc-maçonnerie, par plein de différents axes. Et voilà, il y a des individualités, en fait, des hauts. Comment on dit, des hauts et des bas. Hein. Non, c'est des hautes personnes dans certaines religions qui cherchent à s'emparer l'entièreté du temple Salomon au nom de leur religion et qui ne comprennent pas ce que tu as dit, Martin, universel. Ouais. Et ça, c'est pas bon. Ouais, c'est ça, les singuliers et l'universel. Comment on peut réunir le singulier et l'universel? C'est-à-dire, je sais qu'il y a des plus différents et singuliers en nous qui se connectent avec l'universel. Moi, je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui cherchent l'individualisme ou même le communautarisme au détriment de l'universel. Alors qu'en fait, les religions, quand on lit les textes, on prie tous les mêmes yeux, on prie tous quasiment les mêmes textes. Après, il y a des choses qui ont été réécrites dans divers temps et bien après, les écrits primaires. C'est dommage parce que ça devrait tendre en ce moment vers l'universalisation. Par exemple, quand on est là, en fait, on parle tous ensemble. Les gens parce qu'on s'exprime, on s'exprime, on dialogue. Les gens ne veulent pas de cette liberté d'expression. Pas tous, mais il y a beaucoup de gens qui montent en ce moment. Ils veulent que les gens ne s'entendent pas bien entre eux. Ils se parlent entre eux et entre eux qui comprend qui, en fait. Entre eux, des gens qui parlent la même chose. Ouais. Alors que c'est dommage. Oui, puis ici, on parle tous ensemble, c'est pas comme ça dehors, en fait. Par exemple, les gens qui vont des arbres. Mettre les uns contre les autres pour faire garde. Pour mettre en union quelques des gens. Diviser pour mieux régner. C'est diviser pour mieux régner. Mais par contre, quand on divise, c'est ce que j'ai fait. Juste, j'ai tout divisé pour mieux régner. Parce que chez moi, c'était la pagaille. J'en pouvais plus. J'ai tout divisé tout le monde. Et chez moi, je l'ai fait. Mais il faut pas que tu divises. Il faut que tu divises. Quand tu te bouffes, merci. Ma santé. C'est pas vrai. J'ai été de ma santé. Mais c'est peut-être aussi ça ce qui passe à l'intérieur de nous. Hein. Les côtés de schizo, c'est ça, on se divise à l'intérieur de nous. Pour mieux contrôler. Quand il y a une personne qui te bouge dans ton assiette, ça va. Quand il y en a quatre, imagine-toi. Ouais, c'est vrai, j'étais là. Tu te rappelles? J'ai vu. Je suis un être humain, merde. Moi, en fait, j'ai tout le temps dit ce qu'il dit. Il conclut par dire je suis un être humain. J'ai tout le temps dit ça. Sauf que moi, j'ai été fidèle à ne blesser personne. Et à force de vouloir blesser personne, on est obligé à un moment donné de faire du mal à quelqu'un. Dans mon histoire professionnelle ou comme privée, c'était ma vie contre la vie d'autres personnes. J'ai un parcours qui est un peu... Mais tu as donné ta vie. J'ai tenté de donner ma vie et à chaque fois on m'a dit que j'étais vivant, que je méritais de vivre. Parce que j'ai blessé le moins de personnes possible. J'étais prêt à partir en fait. Mais tu es digne de la vie éternelle pour ta vie. J'étais prêt à sacrifier quand même. J'étais prêt à sacrifier pour d'autres personnes. C'est pour ça que je suis un jour en hospitalisation plus en fait. Ouais, puis c'est pas toi que tu sacrifies, surtout quand t'as, puis tu mérites de vivre. Ah, qu'est-ce que tu veux, t'as d'autres choses à vivre. C'est l'avenir que tu as devant toi. Merde. Du champagne à boire, des meufs à serrer, de l'argent à se faire, je sais pas moi. Donc voilà. Bon, mais t'es beau gosse de... Il nous reste quoi, nous, quand t'as dit je vais te sacrifier, je t'ai regardé comme ça. Mais c'est bien parce qu'aujourd'hui, Quentin, il inaugure une nouvelle chronique. C'est un nouveau chroniqueur qui va parler de l'humanité. Ah, lui. J'avais plus rien, donc elle me rattachait, donc elle rigole. Oui, parce que t'es trop beau, je me dis, mais tu as sacrifié quoi? C'est une apparence physique. T'as vu la dégaine de l'autre? Moi, je vais au-delà de l'apparence physique, c'est sûr que. Ah oui, d'accord, oui, bien sûr. Les compliments, mais les compliments, je ne sais pas les prendre, en fait. Tu ne sais pas les prendre parce que t'en as jamais fait, donc tu ne sais pas comment les apprendre. On t'en a pas assez fait. Voilà, tu ne sais pas comment les prendre. Donc je les prends pas. Parce que tu me dis, je le laisse, en fait. Tu le laisses? D'accord. Bon, c'est super, c'est bien. Quentin, donc Quentin va nous amener à chaque mercredi, il va parler de l'humanité parce que lui il a un message à nous faire passer sur l'humanité. Et donc est-ce que on peut Jean-François ou Bastien, vous voulez nous faire une chanson pour faire Bastien et après attends, je sortis une chanson de moi. Voilà, c'est bien. Je vous ai vécu. Je chante une chanson. Attends, laisse Jean-François, après c'est toi. Bastien. C'est moi. Essayez, je peux la chanter. Je vais chanter là. Oui. Je chante. Après c'est toi Bastien. On écoute Jean-François. Des méchants le savoir, espérer sans trop y croire, attendre le cœur vide qui peu à peu se ride, la personne, la femme, pour qui brille cette flamme, cet amour insensible. A pris mon cœur pour cible, elle est simple et timide, elle est parfois stupide, elle est femme et enfant, parfois elle fait semblant, je l'aime et je l'admire, je vois dans son sourire, aimer sans le savoir. Je veux tout et j'insiste, espérer tant, tant y croire. Mais je suis égoïste, attendre le cœur vide, qui peu à peu se ride, la personne, la femme, pour qui brille cette flamme, c'est me voir dans ses yeux, je rêve, je suis heureux. Son corps et la planète, wow, qui sera ma conquête, que la veut tout à moi, je veux être son roi, je veux être c'est son vrai, ami, son amant, son mari, aimer sans le savoir, je veux tout et j'insiste, espérer sans trop y croire. Je suis l'égoïste, attendre le cœur vide, qui peu à peu se ride, la personne et la femme, pour qui brille cette flamme. Bravo Jean-François Océane, qui va faire l'astrologie tout à l'heure, et là, Bastien va enchaîner sur une autre chanson. C'était quoi comme chanson que tu chantais? C'est toi qui l'as. J'ai pas vu ça comme ça. Non, c'est pas comme ça celle-là. Ah oui. C'était la première chanson que j'ai écrite. Waouh, il y a 40 ans. Bah oui, j'avais 18 ans, ouais. Je voulais chanter, mais j'ai jamais fait le disque. T'avais vraiment entendu cette chanson, bravo. C'est un succès. Ça, on va l'enregistrer après. Tout le monde, c'est un succès, mais j'ai jamais fait le disque. Je suis pas musicien, je ne fais pas, je m'en fous. Bah si, c'est ça la musique. Ah ben si Pedro veut la faire, c'est bien. On peut faire la musique sans être musicien. On peut maintenant, mais avant il fallait la graffer tout. Ouais, mais là on peut l'enregistrer là. C'est un succès ça, aimer sans le savoir. C'est très très bien, super. Et Bastien, on va enchaîner. Vas-y. Tout le monde l'a parce que c'est l'artiste, le grand artiste. C'est un poème. Existe en moi, a besoin d'être cherché en toi. Parce que tout ce qui existe à l'intérieur de mon cœur a besoin de toi, a besoin de toi, a besoin de toi, Seigneur. Wow. Ouais. On fait la voyance astrale de madame. Oh, si vous voulez, mais il faut poser la question, c'est le vœu. Le voyance astrale, vous êtes d'accord que je vous fasse une voyance astrale? Il faut donner des chiffres. Parce que, vous voyez, explique-lui. Il est numérologue. Il fait de la numérologie. C'est de la numérologie, c'est de la voyance. Moi, je veux, moi. Apparemment, il y a des cartes. Vous voulez voir un voyant, il vous explique ce qui se passe dans le... Peu importe. Moi, ce n'est pas ma méthode. J'ai d'autres méthodes qui sont plus efficaces. Moi, je veux savoir, moi. Attends, 5 minutes, s'il te plaît. Je passe après, s'il te plaît. Bon, on passe tout de suite à l'astrologie des Jean-François Ossia, c'est notre chronique. Bon, je vais mettre un lien. T'as réussi dans la tienne, c'est ça? Vous êtes embauché calme. Vous n'êtes pas en. C'est-à-dire, vous n'êtes pas en remplacement. Non. Vous n'êtes pas vacataire. Voilà. Bon, écoutez, vous pensez à ce que vous voulez. Il faut un micro pour madame. Il n'y a pas de micro pour elle. On est un seul micro pour tout le monde, donc il faut parler fort ou il faut que vous approchiez. Combien de chiffres, Jeff? Vous pouvez vous approcher un peu la table? Oui, Jeff, comme ça, que tout le monde se met autour de la table parce qu'on n'a qu'un micro ambiant. Oui, là, ce serait mieux là. Merci Michel, parce que sinon on n'entend rien. Bon, voyez madame, la voyance c'est que vous avez des projets dans la vie, c'est la nouvelle année, c'est la bonne année madame. Moi, en tant que Jean-François Océane, je fais de la voyance astrale numérologique. C'est-à-dire qu'en me donnant 5 chiffres de 1 à 22, pas les mêmes, j'arrive à situer votre situation et ce que vous projetez. Moi, je peux donner. De 1 à 22, pas les mêmes. De 1 à 22. Pensez à n'importe quoi, vous n'allez pas me le dire. 3, merci. Je prends la haute. 5. 5. 14. 17, oui. Dernier, c'est le prioritaire. 1. Bon, déjà, vous avez le travail et l'habilité, mais c'est très intelligent. Ça prouve que vous êtes très intelligent. Très aligné, très intelligent. Vous avez manipulé les choses. Ça prouve que vous aurez toujours du travail dans la vie. Ça, c'est le 1. C'est le battleur, c'est le battleur du travail, établi, vous savez manipuler les choses, corriger les choses. Vous êtes stable. Vous êtes appelé à la tête d'une femme qui avait l'autre chez vous, vous avez un homme. Moi, j'ai... Il est maître chez lui aussi, il travaille. Mmh. 17, vous avez une très bonne étoile derrière. Vous êtes protégé par une bonne étoile. 18, il y a des soucis dans votre travail, mais c'est normal. C'est parce qu'il y a de la jalousie. Il n'y a pas écouté la jalousie. Écoutez tout ça. Justement, je crois qu'il y a des envieux. Vous avez des envieux. Faites attention, mais n'écoutez pas les gens. Okay. Qu'on vous dise quoi que ce soit, ça passe aux côtés. Comme ça, comme disait ma mère, ça passe au-dessus de la tête, ça passe au-dessus des pieds, ça passe sur les côtés. Ça, vous avez une certaine sagesse. Si vous avez de l'amour dans votre travail, et de la sagesse. Vous aimez beaucoup votre travail, ce que vous faites. 14, on vous met avec le temps, 19, vous avez un certain soleil. Vous rayonnez, madame. 19, c'est un soleil. Vous ne dites pas, mais vous avez une sagesse, mais c'est ça qui vous fait rayonner, madame. Et 14, on vous met l'eau avec le temps, effectivement, vous avez encore la bonne étoile pour votre place à suite. 15, sexuellement, bon, on peut pas dire que c'est un lien sexuel entre. Vous intervenez dans le même métier que vous? Non. Je vais poser une dernière question, je vais l'oublier autrement. Vous priez? Oui. Il faut prier dans la vie. Vous priez, mais attention, ça mettra du temps à se réaliser. Chez vous, ça met du temps à réaliser. C'est-à-dire de l'eau dans vos prières, il y a de l'eau dans vos vins. Vous avez du temps. Quand on dit mettre de l'eau dans ton vin, dans ton caractère, c'est parce que tu as trop de caractère comme moi. On dit, mais Jean-François, de l'eau dans le vin. Moi, quand je dis quelque chose à quelqu'un, genre ta gueule, merde, tu me fais chier, t'es médecin, t'es qui quoi, t'es quoi, t'es ministre, ben, je m'en fous. Bon, bref, votre travail, en fait, son travail et son couple est assez stable. Et il ne faut pas écouter l'entourage parce que vous êtes très jalousé. Voilà. On veut vous faire divorcer, on veut vous séparer et on veut vous faire péter votre vie professionnelle. Et ça vient de l'entourage familial. Ça ne se fait pas, il y a trop de bon. Après, je ne sais pas, je pense que vous savez de qui je parle. Enfin, il y a des souliers, il y a... Voilà. Enfin, il y a des pourparlers derrière. Bon, je vais faire le tout maintenant. Mais c'est très bon. Il n'y en a qu'un qui est 18. C'est des rues dans la nuit. C'est des gens qui parlent, qui ont des mauvaises pensées, des préjugés sur vous. Ils sont jaloux, c'est tout. Ils ont tout. Pensées négatives. Et ces gens-là, vous faites. Vous êtes au Monseigneur. Et spirituellement très noir. Quand quelqu'un parle sur vos mains, vous dites laissez-le, Monseigneur, je le laisse à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut juger. Et Dieu vous répartit. Un, 14, 15, 20, 2, 4. Ah, c'est votre homme qui compte dans votre vie. C'est pas vrai? C'est votre homme qui compte beaucoup. Vous avez un petit garçon? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, combien? 4. Ah, vous avez 4 garçons. 4 garçons. Non, il y a un homme qui compte dans votre vie. Je ne sais pas qui. Il y a un homme qui est très puissant. C'est votre homme. Ouais. Ouais. Voilà. Il y a un homme qui est très puissant. Ouais. Beaucoup. Il est là. Merci. Bravo. L'astrologie digitale de Jean-François. Elle me joue là. Je suis fait un gros. Elle est flippante, elle. Je vais faire tout de suite. Je vais faire tout de suite. Le Florent, il voulait, oui. Tu veux que je fasse ta voyance? Qu'est-ce que tu veux? T'es motivé? Non. Vas-y, lui. Oh, bah non, ça, c'est très artistique. Ça, c'est ce que ça veut. Ça apprend toujours. C'est autodidacte, une balance. Bon, c'est artistique, ça c'est ce que ça veut dans la vie. Une feuille. Attends, il y a des feuilles blanches ici, attends. Sinon, tu peux le faire sur les cahiers de. Hein? L'énergie, elle est bonne, là, faut. Voilà. Bon. Faut pas qu'il perde. Jeff, tu as dit la même chose qu'elle. Jeff, c'est ça. J'ai juste un truc à dire parce que j'ai des talents médium aussi. Et pour Florent, je sens du positif. Je dis juste ça. On va voir si je me trompe. Cool. D'accord. On va l'envoyer des énergies positives à Florent. Parce que j'ai des flashs parfois, en fait. Parfois, j'ai des flashs. Bonne nuit, 2020. T'es né quand? Je suis ici une balance. Non, mais t'es né quand exactement? T'es né en septembre. En septembre, oui, c'est balance. Balance, donc c'est pareil un peu. Simplement, tu vas penser à ce que tu veux, à ta sortie, avec tes rapports avec Sera, avec tous tes rapports peut-être pourris, de monde, de ce que tu veux. Tu me donnes 5 chiffres. 5. De 1 à 22, pas les mêmes. Ok? Allez, vas-y. Le 5. 5. Le 7. Le 7? Le 9, bon. Le 13. Le 13, hein. Le 11. Le 11. Le dernier. C'est plus important. Le 4. Bon, pour l'instant, tu as affaire à un homme de place assise comme M. Spédocera. Tu es seul devant lui, ça te crée une certaine sagesse, effectivement. Le 11, ça te donne de la volonté, effectivement. Il va avoir pour toi un voyage. Ou un déplacement. Sûr. Tu vas avoir un déplacement. Sûr, tu vas faire un petit déplacement ou un voyage. Ou un bouleversement dans ta vie où tu vas déménager ou tu vas habiter ailleurs. Peut-être un petit chez toi, peut-être, j'en sais rien. Trois possibilités. Soit tu vas avoir un petit chez toi, soit un petit voyage, ou soit un déplacement. Bon, un déménagement. 20. D'accord. 11. Avec la volonté, tu jugeras. Parce que toi, tu vas commencer à juger. Je te connais. Ouais. Tu vas commencer à juger, mais tu es seul devant ça. Ouais, tu vas commencer à jouer parce que tu vas commencer à combattre la vie. Je connais comme ça. Combattre la vie. Tu vas combattre la vie, je te connais, t'en as trop bavé. Parce qu'il ne mérite pas ça. Voilà. Non. Mais justement, tu ne mérites pas de baver. Non, tu ne mérites pas. Tout ce que je lui dis. Il n'y a rien de transformé. Ça change. Hein. En tout cas, toi, tu vas transformer dans la vie. Tu ne sais pas qui t'es encore. Non, c'est vrai. T'es un peu paumé. Mais tu vas te transformer parce que je vois la transformation. Parce que paumé, tu n'as pas le droit. C'est-à-dire que. Tu vois, ça représente un... Comment ça représente un... La faux, ça représente quoi? Merde, la quoi carte. La carte, la faux, ça représente un... La force. Non, le 13. Le 13, l'arcane sans nom, c'est la transformation, la métamorphose. Tu vas changer, mais tu auras toujours une sagesse, mais tu auras quand même pour changer des soucis. C'est-à-dire, tu vas avoir des tracas. Ça va pas être facile tous les jours. Non, mais c'est bien, hein. Oui, ça va. Si tu vas y arriver à la finale. Tu arriveras à ton but, hein, tu arriveras. Hein. J'ai une balance qui est têtue. Hein. Ouais, très. Moi, je vois un caillou quand je le vois. Hein, une brique. Il est têtu. Tu vas être un homme après bonhomme. Ok ? Là, t'es encore un enfant. Ah, ok. Passe, passe. Mais t'as une belle arme. Ça vient, hein, Florent. T'as une belle arme. Tu vas t'es encore bon intérieurement. T'es pas pourri. J'avais dit. Tu t'en es pas à ce point-là. Tu t'es pas méchancé aux gens. Ah, t'es pas méchant. Parce que... Bon, donc t'es pas pourri. Et c'est pour ça qu'il mérite pas de trinquer comme on dit au début. Non, c'est rien. Bon, tu vas repartir de toi-même, c'est tout seul que tu vas repartir. C'est toi qui vas prendre ta force par les deux mains. Tu vas te diriger toi-même avec ton petit bateau, comme un grand, comme un matelot, et tu vas te transformer. Tu vas changer, tu as une certaine chargée, tu auras un déplacement ou un voyage, ou peut-être une visite pour un domicile, tu vas te déplacer. T'as la force avec toi, t'as la volonté, t'as des tripes. En tout cas, t'as des tripes. Avec tout ce que tu as vécu, t'as des tripes. Okay. Moi, je sais que t'as vécu. Vrai. Moi, je t'ai vu souffrir, moi. Ouais. Ça m'a fait peur. Ouais. Je pleurais. Moi, ça m'a fait mal pour Florent. Ça m'a fait mal beaucoup. Il faut pas que tu souffres, hein. Non, il faut pas. Non, désolé. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, mais. J'ai vu en souffrance, il me faisait peur, ce garçon. Je vous l'ai dit, oui, mais c'était pas, j'avais pas la force. J'avais peur de peur qu'il me détruise. Parce que sans faire attention, j'aurais aidé, il m'aurait détruit. C'est pour ça que j'ai gardé toujours l'idée. Mais je t'aime beaucoup, contrairement à ce que tu penses. Je t'apprécie beaucoup. Bon. Moi aussi, je t'aime bien. Moi aussi, je t'aime bien. Au moins, il y a de l'amour. Au moins, il y a de l'amour. C'est cool pour vous. Ça commence bien la vie. C'est l'homme qui vous aide, c'est Pedro, exactement, c'est ça? Oui, c'est Monsieur Serafine. C'est un homme de pouvoir. Il y a d'autres médecins aussi. Oui, mais ça, c'est alliances. C'est toute une panoplie qui vous apporte quelque chose, c'est pas vrai? Voilà, c'est ça, je voulais dire. Ça nous apporte quelque chose. Il faut prendre dans chaque médecin, parce qu'il y a du bon et du mauvais, dans chaque médecin, dans chaque personne, il y a du bon et du mauvais. Il faut prendre le meilleur. Qui s'adapte à vous. C'est difficile. Par exemple, chez une personne, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Bon, ça ne s'adapte pas à vous, mais vous allez comprendre pourquoi. Essayez de chercher. Moi, je me pose beaucoup de questions sur les gens. Les êtres humains, je suis comme ça. Il y en a qui ne sont pas comme ça, ils se posent des questions, ils prennent, ils jettent. Ouais. Bon, ils sont comme ça, c'est pas de leur faute. Moi, je ne suis pas comme ça, je suis un être humain et je vis avec les êtres humains, que ce soit homme, femme, enfant, que ce soit comme bras cassés, tout ce que tu veux, mais il faut que ça se relève. C'est ça. C'est la vérité. Il faut se relever dans la vie. Hein. Moi, je vais faire médecine, je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu des trucs de 5 minutes qui n'étaient pas normales. Bon, je dois dire que, par exemple, chez lui, ce que j'aime, c'est son calme. C'est le calme, hein. Tout le temps calme. C'est le caractère. Il aime ce calme. Qu'est-ce que j'aime, monsieur ? C'est vrai. Même quand c'est la panique. C'est le rapport qui tient avec ses patients. Le rapport des patients, des médecins. C'est ça, la dame, je ne peux pas, je n'ai pas assez vu travailler, mais je suppose que vous gardez toujours une tête posée sur la tête, sur les épaules. C'est une force tranquille. Vous travaillez tranquillement. Une force tranquille, j'allais dire tout dans de suite. Dans le silence, vous agissez dans le silence, c'est ça? Donc j'ai bien raison. Toi, Sophie, je te connais, je m'en fous. Là, tu te. Oh, t'es la plus belle. Tu sais, c'est l'amour qu'on a pour toi. Hein. Allez, belle chanson. Tu veux chanter avec moi? Oui. C'est pas vrai, elle a pas. Voilà. Pas vrai. Tu veux venir dans ma maison? On n'a pas réussi à tuer Sophie, peut-être qu'on va tuer toi. Enfin, ça, la jolie voiture, faut beaucoup. Hein. Ah non, avec le petit poison, moi. Jolie chanson avant que je passe ça, c'est super, merci. Toi, tout ce qu'il y a, t'as encore un côté enfant. Tu vas te transformer, ça va peut-être prendre 6 mois. Non, 6 mois, t'as rechangé. Ok. Je te donne 6 mois, t'as rechangé. Ok. Mais il faut que ta vie se transforme, tu comprends, quand on te perd les choses, faut comprendre et mettre en pratique. Tu as déjà une petite copine. Florent, je t'avais pas dit un peu tout ça. J'ai besoin de poser une question. Est-ce que tu as utilisé une petite amie ou un petit ami? Oui, bon, normal. Donc le mec est normal. Pas un petit ami, mais une petite amie, oui. Ah, d'accord. Pas un petit ami, mais une petite amie. Mais ça, ça ne regarde pas. Tu vis ce que tu veux. Non, t'es heureux dans l'œuvre, dans l'âme et dans le cœur. Le reste, ça ne te regarde pas. Tu vis ce que tu veux dans la vie. Du moment que tu émanes des bonnes choses dans les gens. Ils ont beau te dire, oh, l'autre est homosexuel, bah, il paye, s'il sent bien le mec là. Et peut-être le mec qui t'aide. Tu te traites d'homo, mais le mec qui t'aide, il est là pour te tendre la main. Ouais. Bien souvent, c'est ça. La voyance, c'est ça. Merci, Yann. Bon, au final, j'ai fait le final. T'en parlais un à la fois parce que 10, 11, 12, 13, 14. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 et 6, 20. Je retiens 2. 4, 5, 6. 6. T'es un mec qui est amoureux dans la vie. Tu aimes l'amour, t'aimes les gens. J'aime les gens. Hein. T'as besoin d'amour. Et quand t'auras trouvé l'amour dans les gens, bah t'es un gars qui suit. Parce que t'as, pour avoir de la compassion, moi je te trouve bien, t'es un mec bien pour moi. C'est dommage qu'on ne peut pas discuter bien la hospitalisation. Bien souvent j'ai pensé à toi de dire, je voudrais bien voir la hospitalisation, mais je ne peux pas, je n'ai pas le droit. Sinon, je serais parlé, je serais donné mes idées, je serais dit mes intentions, mais je serais échangé, j'ai pas le droit, c'est leur métier, j'ai pas le droit de venir. Mais on se reverra. Dans peut-être que je paierai un pot dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Une cigarette, et alors? C'est la vie. Ok? Mais reste comme tête, dans la vie, reste hein. Comme peut-être un mec bien. Voilà. Oh, yeah, bah. La voyance, ça se traduit. Est-ce que. C'est super. Qui vient maintenant là et, tu veux faire parler quelque chose enfin, là, tu veux chanter Non. Tu veux dire quelque chose comme ça, librement? Avec ton bon sourire qui illumine tout cette. Oui. Qui éclaire ton lumière. Fabuleuse. Bien joué, Jean-François. Bonne année à vous tous. Merci. Ouais. Aussi Fatoumata, le meilleur. Fatoumata, est-ce que tu voulais nous parler de quelque chose? Il y a quelque chose qui t'est trop dans la tête ou tu veux partir au Mali pour voir mes amis. Ta famille. Oui, c'est ça. Ah, tu es parti là? Oui, je vais partir. Tu vas partir? Quand? Oui, je ne sais pas. Ah, on part tous, on y va tous de la radio à Mali. À quelle ville? Bamako. Bamako. Non, Bamako. Ah, vous êtes à la capitale. Parce qu'elle chantait le mariage de Bamako, on a chanté ensemble en bas. Ah oui, Mariam. Est-ce que vous pouvez la chanter ici pour la radio, un petit peu a cappella, comme ça, tous ensemble. Le dimanche à Bamako. C'est le jour du mariage. Le dimanche à Bamako. C'est le jour du mariage. Allez-y, le jour. Allez-y. Le dimanche à Bamako, c'est le jour du mariage. Le dimanche à Bamako. Merci. Allez, cool, merci. Petite chanson, Pascal. Je vais chanter. Vas-y, Bastien, chanson pour faire le pont. Je vais chanter. Qui a reçu le nom au-dessus de tout nom? Qui a reçu le nom au-dessus de tout nom? Adorons Jésus, il est le Seigneur. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Amen. Zambé, madame, zambé, zambé, madame, zambé. Dans mes mélimbo, zambé, zambé. Adam, mes mélingues, zambé. Zambé, nariso, zambé, zambé, zambé. C'est à 17 avenue Félèbre qui le font. Ah ouais. Oui, c'est à 17 à 20 heures. On pourrait venir un jour en faire des trucs. façon, on, a des, on va faire des voyages avec la radio. On viendra. Bastien, un jour, tu nous présenteras la, ton église, là, le temple Salomon. L'église, c'est à. L'église, c'est bon. Je vais à Féderbe. Dans Paris. Ouais. C'est à Montreuil, c'est après la place François Mitterrand, le rond-point. C'est une église évangélique. C'est la montée, c'est l'église brésilienne de. C'est une église évangélique. Église. Brésilienne, c'est les candomblés, c'est ça? Évangélique. C'est cœur du pigeon. Cœur du pigeon. C'est évangélique. C'est évangélique. Voilà. C'est cœur du pigeon. De toute façon, on planifie l'année prochaine, on va aller au carnaval de Brésil, les amis. Préparez-vous. Moi, je vais cette année pour faire le lien. C'est Dibongo qui fait la réunion à Féderbe, à Montreuil. Oui. Les évangélistes chantent beaucoup, c'est pour ça que j'ai écouté. Ouais, c'est Eduardo Santo qui est auxiliaire. Attends, Jean-François. Ouais. C'est le pasteur, il y a le pasteur brésilien, mais en plus, il a dit qu'il va ouvrir les hôpitaux de l'Afrique. Mais Dibongo. Ouais. Il était exposé en Afrique, et il était exposé à la Belgique, et après il était exposé en France. Oui, ok. Et est-ce que. Alors, on passe. Tessa, c'est quoi le prochain programme là? Sophie, pour parler de philosophie. Ah bon? Il faut se lancer. Ça à quel moment? C'est déjà la philosophie, hein. Je dis ça. Quel moment ça, c'est d'accord. La aussi. Je vais reprendre, je vais rebondir sur le sujet de Quentin, sur l'humanité. Je trouve que les gens manquent cruellement d'humanité en ce moment. Ils sont complètement déshumanisés, ils sont pires que des animaux. Je sais pas, on est dans un cycle hyper dark. Il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus du vice et il n'y a que de l'intérêt. Et l'humanité, d'accord, j'espère ce soir, et l'humanité, il n'y en a quasiment plus. Il n'y en a même plus du tout. Donc voilà, et c'est vrai que il y en a pour certains comme Bastien qui se mettent dans la religion, qui préfèrent aller prier, ou comme Quentin. Donc voilà, il y en a d'autres qui choisissent la drogue, il y en a qui choisissent plusieurs échappatoires, plusieurs échappatoires. Il y a tout, il y a tout. Mais c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'il y a vraiment d'humanité et d'amour. Et en fait, pour rebondir sur ce que dit Sophie, je ne sais pas si tu as le même sentiment que moi, mais les seuls qui restent humains, ils sont en train de tomber. Oui. Parce que ceux qui restent humains, comme moi par exemple, j'ai travaillé pour certains patients, j'ai tout fait pour les anoblèdes avec mon entreprise, parfois je prenais même les choses en charge. D'accord. Ils sont toujours là, j'apprends que c'est des voleurs, j'apprends que c'est des mauvaises personnes. Les gens qui donnent de l'argent pour manger, parfois je rapporte à manger, vont revendre ça pour acheter de l'alcool. D'accord. Et peu à peu, je vois qu'en fait les gens sont intéressés juste parce que je peux leur donner de pécunier. Même mes voisins que j'aide, s'il n'y a pas un retour derrière, tu vois ce que je veux dire, ouais. Tout le monde attend un retour. Un retour ou un deux. Moi, quand je donne, j'attends rien. Ouais. Et les gens comme ça, ils sont tous en train de tomber, j'ai l'impression. C'est toi, tu viens les aider. Je le prends pas comme exemple, hein. C'est pas je suis un bon gars ou autre, c'est pas ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y en a plein qui travaillent comme ça. Mais comme, parlons de Dr. Hero, qui est juste là, je vais sur une petite parenthèse sur lui. Dr. Hero, c'est un très bon psychiatre. Moi, je le connais, son pedigree un peu de psychiatre, ce qu'il a fait dans le monde. À l'échelle planétaire, c'est quand même énorme. Le docteur Hero, c'est un des rares qui reste fidèle à l'humanité en psychiatrie, à tout ce qui est humanisme. Et docteur Hero a beaucoup d'ennemis, parce qu'il fait ça avec l'humanité, il exerce son art, la psychiatrie avec l'humanité. Et quand on exerce quelconque profession soit avec l'humanité, j'ai l'impression que tout le monde tombe. Les meilleurs tombent. Exactement. C'est triste, parce qu'à 25 ans, qu'est-ce qu'on veut que je fasse pour ça? Je vais tomber aussi? Mais non, tu ne vas pas tomber quand tu es en ça. Non, on tombe en fait. Il faut se relever de l'argent. Jouer dans la foi, docteur Hero aussi est dans la foi. Hein. T'as pas tombé. Si t'es là, c'est que t'as un but, un message à faire passer. Donc tu vas faire tomber. T'es la nouvelle génération qui va apporter un message, qui va donner de la force à la nouvelle génération. Parce que si les gens de ton âge tombent, la génération derrière, elle est morte. Ah ouais. Florent, qu'est-ce que tu penses? Et là, en fait, tu passes une épreuve, tu te fais entraîner. Florent, il est la génération introverti après la première voyage. C'est bien. Tu peux pas tomber les jeunes derrière de l'âge de la demoiselle, ils sont là, ils vont attendre après toi. Si tu tombes, ils vont se casser la figure. Regarde la tête qu'elle fait déjà. Tant pis, il va tomber, mais moi je vais devenir quoi, quoi. Ouais, mais les gens ont besoin de gens comme toi pour les booster. Ouais, mais il n'y a plus de mentors, voilà. En fait. C'est ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a de moins en moins de mentors. Moi, de ton héros, pour pas cacher, je le prends comme un mentor. Comme un mentor, mentor. Oui. Et en fait, la plupart des gens qui restent, qui sont bons dans quelconque discipline, qui ont peut-être pas mon âge ou même qui sont jeunes, ils lâchent pour aller trouver de l'argent plus facilement, ils veulent plus travailler au public. Parce qu'on a changé de cycle, Quentin, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, mais c'est triste. On n'est plus dans les valeurs. Oui, c'est triste, c'est pour toi. C'est pour ça que tu as ces épreuves. Pour parler aux jeunes comme ça plus tard. Parce que nous, nos anciens commencent à se casser la figure, à être vieux, à mourir, à aller à la retraite. Donc voilà. Donc moi-même, je suis angoissée. Mais si toi, tu tombes, elle va devenir quoi? Les jeunes de 24, 25 ans, ils vont devenir quoi? Les anciens comme toi. Mais elle a de la valeur. Elle est solidifiée dans la foi. C'est ça, tu penses quoi? Vous êtes solidifiée dans la foi. Docteur Héros est solidifié dans la foi aussi. Les jeunes comme eux qui vont se poser des questions, arriver à un moment donné. S'il n'y a plus personne pour répondre. Exactement. On va devoir y répondre nous-mêmes. Mais c'est ça. Ouais. Sans les anciens comme ça, vous allez y arriver? Non, je pense qu'on n'aura pas le choix. Hein. C'est ça. Quoi? En fait, oui, mais s'il ne reste que nous, on va devoir se faire nous-mêmes. Et, Oui, mais, il faut quand même des exemples de son âge pour vous aider à vous donner les âmes pour plus tard. Mais oui, les âmes. Pour sauver les âmes. Les atouts, voilà. Tous les atouts que parce que tu as 24 ans. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Pour appréhender les obstacles. Voilà. Vous aurez besoin un peu des témoignages des anciens comme ça. On sait que tu es capable, t'inquiète pas. Mais voilà, mais. Je me suis dit, ok, je crois que. Mais on a toujours besoin des conseils des anciens, même s'ils sont casse-couilles. Mmh. Même moi, j'ai des anciens, ils me cassent les couilles. Et à un moment donné, je me dis, ouais, c'est vrai ce qu'il m'a dit. Donc voilà, t'auras besoin d'anciens comme ça, à un moment donné, pour te guider et pour continuer à avancer. C'est tout. En tout parenthèse, Lara, tout le monde a des épreuves. Je suis des choses. Et quand on n'a pas d'épreuves, on n'évolue pas. Moi, quand j'ai des épreuves, je dis, bon, bah écoute, j'ai rien. Parce que t'es un homme de preuves. Bah oui, t'as un mot de preuve. Si j'ai pas de preuve, je me ferais chier, punaise. Ça serait toujours pareil tous les jours. Ah, pas vrai, gros. Il va casser les bon, on a un nouveau arrivé. Bonjour. Tu peux nous introduire, Bastien? Bonjour, monsieur. Vous êtes, votre prénom, c'est? On se dit Masro. Masro, bienvenue à la radio. Est-ce que vous voulez apporter quelque chose, dire Non, juste que regardez. Déjà. Bastien, est-ce que tu veux apporter quelque chose? Moi, je dis, vous qui êtes mentor, c'est parce que vous avez donné de l'énergie envers les familles. Hein. Les familles, les familles, ils viennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont objectif, ils ont un objectif d'avancer dans la vie. Hein. Ils ont un objectif d'avancer dans la vie, c'est ça. Il y a un problème, c'est que, monsieur, je le vois, quand je regarde, je sais que vous êtes ambitieux. Vous avez les yeux d'un bon médecin. C'est ça le problème qui est entre nous. Ça passe très bien, mais je sais que vous êtes un ambitieux. Et c'est pour ça que je le vois. Donc, mais vous êtes un ange, hein. Mais vous êtes un gars très bon. Un ange ambitieux. Vous en avez un monsieur. C'est ça qu'il faut. Bah oui. Cette anxiété. C'est la force, quand vous retrouvez dans le vaisseau. Mais juste, tiens, une question. Est-ce que l'anxiété, elle n'est pas humaine? Ça se retire. À son niveau, ça se retire. Je ne pense pas, parce qu'il a vu tellement de choses, en fait. Oui, justement. Il n'a pas le droit de baisser les bras, c'est là. Non, il ne baisse pas les bras. Non, mais attends. Il n'a pas le droit de baisser les bras, c'est là. Vous savez quel âge? 65 ans. Vous avez mon âge. Bon, vous pouvez casser l'épaule, là. D'accord, ouais, on vous casse l'épaule. Ah non, c'est que vous avez... Parce que peut-être que parfois, il vous arrive d'avoir des angoisses sur un patient. Ouais. Vous l'analysez, vous dites, merde, comment faire? Comment faire ça? Il faut dire, ça, je comprends. Mais on pense que le patient... Vous êtes très grand intelligent, vous avez un grand front. Vous êtes un peu sanguin. C'est la psychiatrie physionomiste, ça. Non, c'est pas... Là, c'est la morphopsychologie psychologique. Si quelqu'un de très intelligent a un grand front, ça se voit. Sanguin, il sourit facilement. Ouais. Très bien. Vous êtes un peu bile, non? Surtout anxieux, je suis anxieux. Vous êtes anxieux. Je suis anxieux. Si j'arrive à requérir ça, monsieur Héros, ouais, vous avez gagné tout sur vous-même. C'est ça qui le rend anxieux. On est prêt à parler avec vous, hein. Peut-être vous avez peur de ne pas être. Mais je veux dire, enlever cette anxiété, vous allez guérir ces gens. C'est comme ça que vous voulez guérir, monsieur. Je peux juste dire un truc. Pourquoi je parle plus parce que je vous comprends. Je peux juste dire un truc sur ce que dit Jeff, c'est vrai. Et puis Dr Hero, si je peux révéler quelque chose de pas trop. Voilà, c'est quand même un artiste. Ouais. Et moi, quand j'ai compris que Dr Hero est artiste, j'ai mieux compris son anxiété. Parce que les artistes travaillent beaucoup dans des moments d'anxiété à faire des boules, des chansons ou autre. Dr Hero travaille avec son nom d'artiste. Et c'est en ayant compris ça que moi j'ai pu prendre ce qu'elle avec un homme d'artiste. Prendre ce qu'elle apprend dans les entretiens, parce que c'était parfois dur. Quel signe vous êtes, monsieur Hero ? Quel signe d'astrologie vous êtes, monsieur Hero ? Quel signe astrologique ? Scorpion. Ah, vous êtes scorpion ? C'est pas vrai. Le scorpion a une très grande force. Le problème, très grande force. Hein. Ça a du mal à donner une claque quand ça recèle des coups, mais quand ça fait une claque, ça fait mal. C'est autodestructeur ou pas le scorpion aussi ? Hein ? Il paraît que c'est autodestructeur un peu. Ça dépend de l'ascendant que je suis. Exact. L'ascendant. Lion. Ah, oui, l'autodestructeur. La force de Lion. Le triple, c'est principal. Mais enlever ses chances, parce que vous voulez tout. C'est ça qu'il faut enlever. Moi, je le vois. C'est difficile. Bon, c'est l'astrologie astrale. Alors, une petite chanson. On va marquer ça sur le portail. On va se taire. Et après, j'aimerais bien entendre Farouk et Kevin et tout le monde qui arrive. Je chante trop bien, elle. Hein. Kevin aussi. Enfin, Farouk, tu peux chanter après quelque chose. Je vais chanter. Vas-y, vas-y. À toi, Jésus. Mon sauveur. À toi, Jésus. Mon sauveur. Alléluia! Alléluia! Au papa et alléluia! Au papa et alléluia! Le Seigneur Jésus! Votre ami en Afrique, mon chéri. Tout à l'heure, Bastien, mais tu chantais tout à l'heure une chanson de. Une chanson de. Pas forcément de l'église, tu avais une chanson de. J'ai chanté des chansons de l'église. Tu chantais Johnny Hallyday tout à l'heure? Johnny Hallyday, j'ai chanté Julien Doré. Gainsbourg? Non. T'as qu'est-ce que tu connais? J'ai chanté Christophe Willem aussi. Bon, allez, vas-y, un Christophe. Ah bon? Non, je veux chanter chanson de l'église. Okay. Jésus. D'accord. Le célèbre chante, ô Seigneur, d'accord, Seigneur okay. Jésus, parce qu'elle, selon d'accord. La volonté, selon la volonté, Seigneur, marchant de l'avant, Seigneur. Seigneur Jésus et va, ô Seigneur, de l'avant, ô Seigneur, Seigneur Jésus, puisqu'elle ne voit pas, puisqu'elle ne voit pas, le marchand de l'avant, Seigneur, Seigneur Jésus et va. Voilà. Bravo. Farouk, tu veux chanter, dire quelque chose, apporter un sujet de conversation. Kevin, est-ce que tu veux parler? Non. Fatouma. Tu peux te lever, hein, tu peux chanter là. Vas-y. Comme tu veux. Tu danses et tu chantes des fois, c'est super. Je ne me groupe pas, monsieur. Tu peux nous faire danser. Attends, on a un danseur ici, hein. Un danseur à mérite. Il y avait un texte que je voulais rapper un jour, mais là, j'ai pas envie de rapper. Ouais. C'est la chanson de 113 avec Amel Bent, ça s'appelle « On pense à vous ». On pense c'est débile. C'est débile comme chanson pour certains, peut-être, vous pensez ça, mais c'est un très beau message de ce qui se passe en ce moment, mais qui s'est passé dans les banlieues quand elles sont enflammées avec ces débonnats. Et c'est toujours indémodable et toujours d'actualité. Et je retiens juste un passage de ce rap de Amel Bent et 113 qui se veut animer à la paix mais à la prosternation de ce qui se passe et qu'on ne peut pas aller au-dessus, on ne peut pas faire mieux. C'est le Samu songe des pierres, ils l'ont quand même réanimé, une mère pleure, regarder son fils sur la chaussée. Et pour moi, rien que cette phrase, ça peut vouloir dire la violence que se prennent des psychiatres comme Dr Hero, des psychologues, des gens qui travaillent à la... Je ne sais pas ce que tu fais comme... Psychologie. J'allais dire la radio, mais... Parce que tu as des projets dans la vie. Elle ne bouge pas, c'est la nana. Elle est projet, c'est la nana. Tu vois ce que je veux dire? C'est la oh la nana, la nana. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Par exemple, un boulanger que je croise il y a quelques jours qui me dit: je vais mettre la clé sous la porte parce que la violence, le soir, je me prends des insultes. Parce que les gens sont bourrés. Il y a la violence des impôts, il y a la violence des factures. Et tout ça, c'est un peu ce que décrit 113 dans son rap. Merci, parfois, il faut se raccrocher à. à la vie. Une étoile, voilà. Une étoile à la vie. La vie. Ouais. Et gardez confiance. Moi, quand le boulanger me dit ça, je dis patientez, ne mettez pas la clé sous la porte tout de suite. Parce que si tout le monde fait ça, après, il y a plus de psychiatre. Il n'y a plus de. On avait un psychiatre l'année dernière, on l'a gardé en religion. Vous n'avez pas tort, oui. On avait juste le tort. Moi, ce que j'aime bien de travailler ici, c'est qu'on est un peu moins accro à la réalité. En fait, je pense que la réalité, c'est une drogue. Et tous les monstres sont accros à la réalité. Et nous, on est un peu moins accro à la réalité. Et moi, je suis trop parfois. Des fois, je suis trop ancré dans la réalité. Et c'est pour ça que je descends. Et tu veux trop donner, t'es trop généreux. T'es trop généreux, t'es ancré vraiment. Pardon. Ok. Merci, Jean-François. Après, c'est moi la réalité. Je pense trop à la réalité. Je n'ai pas de volonté. C'est parce que j'ai des situations en face de moi. Et je ne peux pas ne pas bouger, en fait. Je ne peux pas ne pas bouger. Parce que je me dis, si je suis détard dans la gueule, je n'arrive pas à les parler. C'est ça ce que c'est, je ne mange pas. Tu as l'esprit de sacrifice de Christ. Non, parce que tu veux, que tu fasses comme il faut. Tu fasses passer un message à des jeunes, à des moins jeunes, voilà. C'est pas une volonté, c'est que la vie m'a mis devant le truc et je me suis dit, là c'est à mon tour de signer, c'est à mon tour de parler. Bien sûr. Parce que si personne ne le fait, même si moi je me trouve en danger de mort, c'est ton attitude de foi. Voilà. Tout fait, ça resterait tout fait. T'as un peu l'esprit martyr. Un peu, mais ouais, je comme veux Saint-Antoine pas, je de Padoue, ouais. Bah, alors, est-ce que j'aimerais bien écouter un solo de Bastien tellement que tellement à la. Vas-y. Docteur, je suis fan de ce moine. Faut que je passe un moment donné dans la journée. Ouais, je sais. Thelonious Monk, c'est un Thelonious Monk. Ouais, hier, j'ai vu un documentaire sur lui. C'est un peu comme toi. Tu vas très concentré dans ta joie. Très concentré dans ce que je fais. Et puis jouer comme ça, magnifiquement. C'est un peu un esprit martyr. C'est vraiment ça, comment ça se fait? Je sais pas. C'est tout petit, T'aimes te sacrifier, t'aimes porter des messages. Oui, après, oui. Mais je me dis, souvent, il y a un psychologue qui m'avait dit que vous êtes le messager. Tu dis, tapez-moi dessus, c'est pas grave. Non, alors ça, je réponds. Ça, depuis petit, je réponds. Mais quand je réponds plus fort, je me récolte plus fort. Tu récoltes plus fort. C'est pour ça que je me tais souvent. Ouais. Et là, depuis que j'ai arrêté de me taire depuis 3 ans, et ben, je récolte encore plus de violence, en fait. La continue. C'est dur. Ouais. Après, je le fais parce que je sais pour qui je le fais. Donc, on a un moine ici. On a un prêtre et un moine. Moi, j'aurais été en Inde, punaise. Oh, les Indiens, baby, baby. Non, je plaisante. Non, mais quand on a les enfants. Voilà, on a un colon ici. Ouais. Il me dit là, les gens de la radio me disent que t'es superbe ton solo là. Ah oui, c'était superbe, je vais continuer. D'accord. Et nous, ça va aussi fini, là, du coup. Ouais, ça va. On va faire un solo chacun. On a 4 minutes. Ah non, 3 minutes. Un solo chacun. Bah, tu prends un tambour là, on a un morceau là. Non, mais je vais juste faire. Vas-y, vas-y, 1, 2, 3. 1 minute chacun. Ouais. Alors, Quentin. Ouais, on a un prêtre, un passionné. Moi, j'ai fait du piano et du violoncelle. Un passionné, un martyr. J'ai oublié un peu certaines choses, mais je vais juste essayer de faire ma musique du Titanic. Parce que j'étais chef d'orchestre au collège. Et très tôt, en fait, on m'a mis à une position chef d'orchestre que j'ai refusée. Après, je me suis parce que tu es un martyr, non. Non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Mais c'est qu'en fait, bon, bref, tout ce que j'ai fait, ça s'est fini mal dans ma musique en général. Ça recommence. Alors comment ça, tu fais du mal encore. Ouais, tu l'as cerné. Voilà, il y a... Ah, c'est plus mal. Quand j'ai dit mon Seigneur, il a levé les yeux. bouge. Il a pu parler à lui, je vous assure, c'est. Il reste 2 minutes sur Radio Métanoïaque, Pinode. Seigneur, on est sur les ondes de Pinode, sur les TAP, à Moulin et à Paris. Ouais, mais voilà. T'es pas modeste en fait. T'as un côté martyr et un côté assez hautain. Il faut que tu trouves un équilibre. Je suis comme ça en fait. J'arrive pas à. Ouais, mais ton côté hautain, faut le garder, hein. C'est pas un péché. Mais souvent, on me dit que je suis hautain, même quand je passe au passage piéton. Bah ouais, mais bon. Juste merci, en c'est fait, force aussi. J'avais hein. une amie qui est psychologue ouais. et elle me psychanalysait dans la rue. Elle me dit t'es rentré dans un pressing, t'as dit merci, bonne journée, c'est bon. Et tu voulais qu'on te réponde quoi? Je dis bah rien. Elle me dit mais t'as vu comment t'as parlé? Non, mais c'était très bien. Exprès. Donc voilà, ouais, mais c'est qualité aussi d'être hautain. Ouais, c'est pas, peut-être c'est qu'il a déjà une prestance, on n'en sait rien. Non, c'est pas négatif. Parce qu'à chaque fois, j'ai essayé de les gars, ils sont compliqués les gens. Le docteur Héros est très hautain. Oui, non, mais bon. Voilà. L'être humain très hautain et le docteur Carasso aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, ça les empêche pas de dormir. Donc, l'être humain est complexe et compliqué. C'est peut-être une barrière aussi. C'est peut-être une barrière, mais c'est pas assez. C'est comme cacher en fait. Non, là, t'es avec deux grands hautains. Au revoir. Salut, Bastien. Merci beaucoup. Salut. Bon, et on va dire au revoir aussi à la radio. Oh, Jésus. Jésus revient. Jésus revient. Jésus est là. Oh, Jésus. À la semaine prochaine. Ça, c'est projet. Je t'ai dit, c'est ce que tu